monde est star, tout le monde se voit en lettres phares, etc. Les applaudissements claquent dans les vestiaires, les hommes s'écartent, la foule se serre, des flashs explosent dans la nuit noire, les collants roses et la jaguar. Heureusement, il y a les lunettes grises qui ferment les yeux, qui cachent la crise. Tout le monde est star, tout le monde se croit dans un remake de la diva. Lumière opaque, meilleur profil, une rime en hack de rôle agile, et dans son cœur un petit calvaire, courir l'erreur de nous les plaire. Heureusement, il y a les lunettes grises qui gazent les âmes, qui cicatrisent. Chagrin ont une histoire, mélange de rien et de hasard. On pose sa mine à la terrasse en espérant que le destin passe. Quelqu'un nous voit, nous complimente, on pleure sur soi, on s'agrémente. Heureusement, il y a les lunettes grises qui cernent les larmes, banalise. Tout le monde est star, tout le monde y croit, on est standard ou on n'est pas. Heureusement, il y a les lunettes closes qui ferment les yeux, qui cachent les choses.